À l'occasion de la journée de soleil, les journaux syriens et britanniques ont inséré les écrits en l'honneur des exploits mortels du président Kim Il-sung. Les Syriens Al-Baas et An-Nur, le Britannique de Nouveau Camp, ont exalté dans leurs écrits comme « La Corée populaire a célébré l'anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, ses exploits mortels accomplis pour la patrie et le peuple et l'émancipation du monde ». Le Britannique Proletarian du mois d'avril et de mai a inséré un article condamnant les menées cyniques des États-Unis qui ont fabriqué la résolution de sanctions contre la Corée au Conseil de sécurité de l'ONU sous prétexte du lancement de satellites.